Affaires sensibles, du lundi au vendredi sur France Inter, à partir de 15h. Aujourd'hui dans Affaires sensibles, le scandale Goldman Sachs. À la mi-septembre 2008, une crise financière d'ampleur inédite frappe le monde. En l'espace d'à peine quelques jours, l'économie mondiale s'enraye, la panique s'empare des salles de marché, certaines banques s'écroulent, des fonds de placement font faillite et plusieurs pays, comme l'Islande, se retrouvent au bord du gouffre. Dans cet océan de marasme, de craintes, d'incertitudes et de doutes, un établissement financier tire pourtant son épingle du jeu. Cette banque, sans enseigne, sans visage, c'est Goldman Sachs. Très vite, sa réussite, aussi insolente que surprenante, va soulever des questions, de lourdes questions. Quelques mois plus tard, la SEC, le gendarme de la bourse aux États-Unis, découvre le poteau rose. Goldman Sachs s'est enrichi avant la crise en spéculant sur la chute des marchés boursiers, donc en spéculant sur la crise. Elle aurait également usé de son réseau d'influence au sein du gouvernement américain pour sortir renforcée de l'effondrement des marchés en 2008. En d'autres termes, pour Goldman Sachs, c'est « vive la crise ». Notre invité aujourd'hui, Pascal Grégoire, auteur du livre Goldman Sachs chez Cherche Midi, un premier roman coup de poing dans lequel le personnage principal s'attaque à la toute puissante banque américaine qui a causé sa perte. Affaires sensibles, une émission de France Inter en partenariat avec l'INA, préparée aujourd'hui par Adrien Cara, coordination Christophe Barrère, réalisation Jérôme Boulet. Fabrice Drouel, Affaires sensibles, sur France Inter. Tour. Am I pronouncing your name monsieur correctly? Tour, c'est comme ça qu'on prononce votre nom? Oui, monsieur le Président. Mr. Chairman, members of the monsieur le Président, membres de la Commission, bonjour. Je m'appelle Fabrice Tour et je travaille à Goldman Sachs International à Londres. Monsieur le Président, comme vous le savez, la Commission de sécurité des échanges vient d'engager des poursuites au civil et elle m'accuse d'avoir caché à mes investisseurs certaines informations à propos d'une transaction que j'ai aidé à concevoir, Abacus 07AC1. Je démens catégoriquement les accusations de la SEC et je me défendrai en justice contre ces allégations. Washington, 27 avril 2010. Ce matin, Fabrice Tour, opérateur de marché de la banque d'affaires Goldman Sachs, comparaît devant la sous-commission d'enquête du Sénat américain. Le ton est poli, le regard confiant. Les mains croisées sur la table, le jeune trader clame son innocence. « Non, je n'ai pas abusé la confiance de mes clients. Non, assène-t-il, dans un américain haché au léger accent français, je ne suis pas responsable de leur perte. » Pendant une dizaine de minutes, devant une assistance médusée face aux caméras de télé, Fabrice Tour livre un plaidoyer dont l'aplomb et le style traduisent une certaine arrogance. À chacune de ses phrases, il use et abuse d'un jargon technique pour décrire ses manipulations, ses décisions, ses choix. Une stratégie qui, de l'avis de l'envoyé spécial du New York Times présent dans la salle, ressemble à une ruse de jeune loup des salles de marché. Assis à quelques mètres de Fabrice Tour, trois autres collaborateurs de la banque Goldman Sachs attendent en silence. Il y a là Jonathan Eagle, son supérieur, Daniel Sparks, le chef de la division des prêts hypothécaires, et enfin Joshua Birenbaum, l'un des directeurs du management. Tous portent des costumes sombres, des chemises blanches et des cravates neutres. Le cheveu court et la barbe rasée de près, ils se tiennent droits comme des i. Lorsqu'on leur donne la parole, l'un après l'autre, Eagle, Sparks et Birenbaum abattent d'emblée leur joker. Ils font front commun face aux accusations de conflit d'intérêts et de délit d'initié qui frappent leur banque. Ils jouent la carte de l'incompréhension. En fait, ils éludent les questions. Non, ils ne savaient pas. Non, ce n'était pas exactement comme ça. Non, non, non. Beaucoup trop de noms au goût des membres de la commission d'enquête. L'un des sénateurs leur coupe alors la parole et ironise. On ne vous a donc jamais appris à dire oui chez Goldman Sachs? Un silence glacial envahit la salle d'audience. Pour seule réaction, les quatre hommes offrent au sénateur un regard sévère. Eux, les Goldman Boys de Wall Street, qu'on admirait jusqu'ici pour leurs résultats, font aujourd'hui la grimace, comme des enfants qu'on aurait punis pour avoir triché en classe. Live now to a Senate hearing with former and current executives at the investment bank Goldman Sachs. Carl Levin of Michigan is the chairman. You've got live coverage here on C-SPAN 3. En face, dans le rôle du juge, le président de la commission d'enquête, le sénateur démocrate Carl Levin, reste ferme. Il ne lâche pas les quatre banquiers du regard. L'air grave, il pointe son doigt à plusieurs reprises vers l'épais dossier de la SEC, la Security and Exchange Commission, le gendarme de la bourse aux États-Unis. Dans ce dossier, plusieurs milliers de documents internes à Goldman Sachs. Des éléments qui, toujours d'après le New York Times, accablent la banque d'affaires et désignent Fabrice Tour et ses comparses comme les architectes d'une vaste tromperie. Oui, une escroquerie qui leur a permis de gagner de l'argent au détriment de plusieurs milliers de leurs clients pendant la crise de 2008 et dont le préjudice total dépasse les 11 milliards de dollars. Dans les milieux d'affaires, de nombreux analystes savaient que Goldman Sachs flirtait depuis longtemps avec la ligne jaune. Mais personne, non, personne n'imaginait que la banque serait prête à la franchir. Personne ne pouvait croire que cette vénérable institution financière, l'un des piliers du New York Stock Exchange, irait jusqu'à briser toutes les limites éthiques dans sa course effrénée au profit. Et pourtant, les faits sont là, elle a bien franchi le Rubicon. Le sénateur Levin s'appuie d'ailleurs sur l'un d'eux pour montrer la perversité du système mis en place par Goldman et ses banquiers. Carl Levin cite l'exemple des titres d'investissement Timberwolves, un produit financier qu'on appelle dans le jargon un dérivé synthétique. Comprenez, une structure d'actifs de nature diverse, prêts, crédits, parts d'entreprise, rassemblés en portefeuille de créances bancaires. Un machin auquel le non-initié ne comprend rien et qui était vendu sur les marchés financiers par Goldman Sachs avant que n'éclate la crise. Un produit sur lequel le sénateur Levin demande à Daniel Sparks, le chef de la division des prêts hypothécaires, quelques explications. 600 millions de dollars de titres Timberwolves. Voilà ce que vous avez vendu. Et avant de les vendre, voici ce qui se disait au sein de votre équipe commerciale. Je cite. Oh les gars, ces titres Timberwolves, c'est vraiment de la merde. Ils ont donc vendu de la merde. Monsieur le Président, ce courriel vient du chef de département, pas de l'équipe de vente. Quoi qu'il en soit, c'est un document interne à Goldman Sachs. C'était un email que j'ai reçu fin juin. Et vous avez continué à vendre Timberwolves? Non, c'est après la transaction. Non, vous avez vendu Timberwolves après ça. Je vais vous dire, le contexte est ici plutôt clair. 22 juin, vous recevez cet email. Combien de cette merde avez-vous vendu à vos clients après le 22 juin 2007? Daniel Sparks, d'ordinaire si charismatique, ressemble à un gamin pris les doigts dans le pot de confiture. Il tourne avec frénésie les pages du classeur devant lui. Il tente de chercher une réponse sur l'une des dizaines de lignes de chiffres qui défilent sous ses yeux. Mais s'il n'en trouve aucune. En face de lui, le sénateur Levin en profite pour acculer le Goldman Boy. Pendant plusieurs mois, monsieur Sparks, vous avez tout fait pour vendre à vos clients ces titres d'investissement Timberwolves. C'était même votre priorité numéro un, à en croire d'autres échanges de mails que vous avez eus avec vos collègues. Donc, si je comprends bien, votre banque vendait sciemment de la merde et vous n'avez rien à répondre à cela? Le banquier tente alors de se dédouaner. Il affirme que, ramené dans le contexte de l'époque, personne ne pouvait prévoir l'évolution du titre Timberwolves et donc sa possible chute sur les marchés. À ces mots, le sénateur Levin devient rouge de colère. Il l'interrompt. Enfin, monsieur Sparks, vous savez ce qui me révolte dans cette affaire? C'est qu'en plus de vendre de la merde à vos clients, j'ai découvert que vous aviez parié contre eux. Oui, monsieur Sparks, vous avez osé vendre des titres Timberwolves à vos clients en vous assurant de gagner de l'argent si ces derniers en perdaient. J'en ai la preuve. Il suffit de lire le dossier d'enquête de la SEC. D'ailleurs, vous n'étiez pas le seul à le faire. Votre collègue chez Goldman, monsieur Tour, faisait la même chose avec Abacus. Les journalistes assistent sidérés à cette altercation. Fabrice Tour, lui, ne réagit pas. La caméra enregistre toute la séquence. Une fois de plus, le nom Abacus s'invite au cœur du débat. Et au fil des questions, sans réponse, des éléments de preuve sans justification, il apparaît clair que dans toute cette affaire, la banque américaine Goldman Sachs est allée trop loin. Oui, elle a dépassé les bornes. C'est bien l'avis de l'une des membres de la commission d'enquête, la sénatrice Claire McCaskill. Durant l'audience, elle s'adresse aux accusés d'un ton sévère. Nous avons passé beaucoup de temps à examiner ces documents. Et je peux vous dire de façon simple ce que sont ces produits dérivés. Ce sont des instruments qu'on a créés pour que les gens puissent parier dessus. C'est ça le monde enchanté des placements. Ce n'est pas un investissement dans une bonne affaire, c'est juste du pari. Du pari pur et dur. Pure and simple, raw gambling. Au fil des heures, ce 27 avril 2010, en direct à la télé, le grand public découvre le cynisme et l'absence d'éthique des banquiers de Goldman Sachs. La scène donne l'impression d'un grand déballage public. Les uns après les autres, les cadavres sortent du placard. Et ils jettent le discrédit sur l'image jusque-là prestigieuse de la banque d'affaires américaine. De leur côté, l'ensemble des personnes qui assistent à l'audience s'interrogent. Comment est-ce possible? Comment Goldman Sachs a-t-elle pu s'enrichir en pariant contre ses propres clients? À quoi correspond le produit dérivé Abacus? Quel est le rôle exact joué par le français Fabrice Tour? Enfin, quel est le mécanisme qui lui a permis d'échapper à la crise de 2008? Eh bien, pour le comprendre, il est nécessaire de remonter le temps et de se replonger au début des années 2000, à une période où New York était alors la capitale mondiale de la finance et où ses traders, véritables équilibristes de l'économie dématérialisée, étaient considérés comme des dieux vivants dans les salles de marché. Printemps 2004, Manhattan, 85 Broad Street, bureau new-yorkais de la banque d'affaires Goldman Sachs. Ici, 24 heures sur 24, derrière les fenêtres de verre de ce gratte-ciel, une armée de banquiers en costume sombre s'agite. Les uns ont l'oreille sur leur téléphone, les autres ont les yeux rivés sur leurs écrans d'ordinateur. À chaque étage de la tour, les bureaux se ressemblent, mais les enjeux sont différents. Au quatrième, on traite et on parie sur le cours des matières premières, le gaz, le pétrole. Au neuvième, on joue sur les flux de devises et on tente de prévoir l'évolution des taux de change. Et puis encore plus haut, on s'intéresse aux assurances ou aux prêts hypothécaires. 365 jours par an, les Goldman Boys conseillent, managent, spéculent pour le compte de leurs clients, pour la plupart de grandes entreprises multinationales triées sur le volet, comme le constructeur américain Ford ou encore le fleuron britannique des hydrocarbures, BP. On trouve aussi des fonds d'investissement géants chargés de placer l'épargne ou la retraite de millions d'anonymes à travers le monde. À l'origine, Goldman Sachs était la banque de courtage des artisans juifs émigrés aux États-Unis. 140 ans plus tard, celle que tout Wall Street surnomme la firme est devenue un empire invisible riche de 700 milliards d'euros d'actifs disséminés partout sur la planète. Pour vous donner un ordre d'idée, cette somme représente alors le budget annuel de la France à l'époque. Et à cette période, où qu'ils aillent pour négocier leurs affaires, les banquiers de Goldman transpirent la confiance et surtout ils inspirent le respect. Comme en témoigne cet ancien trader face à la caméra de Jérôme Frittel dans le documentaire Goldman Sachs, la banque qui dirige le monde. J'ai travaillé pendant 17 ans à Wall Street, à la banque Lazard, à Merrill Lynch et à JP Morgan. Et peu importe où je travaillais, nous voulions toujours ressembler à Goldman Sachs. C'était littéralement la référence absolue de la profession. Ils donnaient l'impression d'être les meilleurs. Leurs salariés étaient les mieux payés. Ces gens sont là pour gagner parce qu'il y a beaucoup d'argent en jeu. Leur devise, c'était « ce n'est pas suffisant de réussir, il faut enfoncer les autres ». Quelques semaines plus tard, toujours au printemps 2004, un jeune homme de petite taille au visage avenant pénètre pour la première fois au 85 Broad Street. Il se présente à l'accueil. « Bonjour, je m'appelle Fabrice Tour. J'ai rendez-vous pour un entretien. » Très bien, on l'invite à patienter sur l'un des canapés de cuir noir dans l'entrée. Assis là, seul face à son destin, le jeune trader feuillette les brochures de la banque. Sur chacune d'entre elles figure son leitmotiv. Il est écrit « Ici, chez Goldman Sachs, les intérêts de nos clients passent toujours en premier. » Et il se prend déjà à rêver d'avoir un jour son nom accroché sur le desk des associés partenaires de l'établissement. Originaire d'une famille aisée de la banlieue ouest parisienne, Fabrice Tour est diplômé de la prestigieuse École centrale de Paris et de l'université Stanford aux États-Unis. À tout juste 24 ans, ce génie des maths, appliqué à l'économie, entend poursuivre son rêve d'ascension et de gloire. Et pour ça, Goldman fait figure de tremplin. Face aux différents recruteurs de la firme, d'emblée, le français fait forte impression. Le jeune loup de la finance, disert, charmant, intelligent et ambitieux, a le profil pour intégrer l'entreprise. En effet, chez Goldman, le travail en équipe et le dialogue interne sont la règle. L'égocentrisme est banni. Diva flamboyante et golden boy, cocaïnomane, s'abstenir. Ici, au 85 Broad Street, on n'engage que ceux qui peuvent se fondre dans le moule. Deux semaines plus tard, Fabrice Tour revient chez Goldman, cette fois en tant que collaborateur. Le nouveau venu est affecté à la division des crédits hypothécaires. Sous la supervision d'un certain Daniel Sparks et en binôme avec Jonathan Eagle, le travail des Français consiste à vendre des produits dérivés complexes aux noms barbares. Doué d'un formidable talent pour les prévisions, Fabrice Tour réalise de très bons résultats et se fait rapidement une place dans l'équipe. Il porte désormais l'habit du Goldman Boy, un banquier efficace et sûr de lui pour le plus grand plaisir de ses patrons. Introducing Goldman Sachs Wealth Management. Service.substance at goldman.com. Au même moment, dans les couloirs de Wall Street, c'est l'euphorie. Les traders jouent, gagnent et amassent des sommes considérables. Grâce à la croissance économique, à la course au gigantisme et à la politique d'argent bon marché de la Banque centrale américaine, le secteur financier aux États-Unis est devenu, en l'espace de 20 ans, une extraordinaire machine à fabriquer des profits. Qu'elles s'appellent Lehman Brothers, JP Morgan, Citigroup, UBS ou encore Merrill Lynch, les banques se gavent de prêts hypothécaires à risque et elles les revendent ensuite sous la forme de produits dérivés plus complexes encore. L'opération comporte bien une part de risque. Mais le risque, à Wall Street, en ce milieu des années 2000, personne ne veut en entendre parler. Et c'est oublier que la course aux gains a ses limites. La planification virtuelle d'un système reste avant tout virtuelle. Or, quelques années plus tard, début 2007, le réel se rappelle au bon souvenir des financiers. Et le réel, c'est que la mécanique économique s'enraye. Le marché des subprimes, les prêts hypothécaires, montre des signes de fatigue inquiétants. Aux États-Unis, le numéro 2 du crédit à l'habitat se déclare en faillite. Et comme en témoigne celui qui est alors le patron du FMI, un certain Dominique Strauss-Kahn, l'avenir s'annonce très sombre sur la planète finance. Oui, à l'origine, la crise est la crise des subprimes aux États-Unis. Mais aujourd'hui, elle dépasse largement cette crise des subprimes. Elle a entraîné un ralentissement aux États-Unis. Les prévisions que le Fonds monétaire va rendre publiques dans quelques semaines sont encore un peu plus faibles. Nous avons clairement devant nous une situation dans laquelle les risques sur la croissance économique sont de plus en plus sérieux. HSBC, Bernstein, Citigroup, BNP Paribas, en l'espace de quelques mois, des dizaines de grandes banques du monde entier affichent des résultats catastrophiques. Des fonds d'investissement entiers contenant des produits dérivés issus des subprimes sont gelés. Les banques centrales sont obligées d'intervenir et de recapitaliser en urgence. Au 85 Broad Street, chez Goldman Sachs, chose étonnante, personne ne s'inquiète de ce ralentissement économique. Au contraire, la banque d'affaires se targue d'une réussite insolente. Pour 2007, elle affiche en effet un bénéfice net de plus de 13 milliards de dollars. Son PDG, lui, perçoit une prime de 50 millions de dollars. Fabrice Tour touche également un bonus conséquent. Suspect tout cela dans un tel contexte. Pourquoi les banquiers de Goldman ont-ils réussi à anticiper la crise et quelle est leur recette ? On connaît aujourd'hui, avec le recul, la réponse à ces trois questions. Elle tient en un nom de code aux accents latins et à l'usage monstrueux, Abacus. Alors, qui dit étude dit travail, qui dit taf te dit les thunes, qui dit argent dit dépense, qui dit crédit dit créance, qui dit dette te dit huissier, lui dit assis dans la merde. Qui dit amour dit les gosses, dit toujours et dit divorce. Qui dit proche te dit deuil, car les problèmes ne viennent pas seuls. Qui dit crise te dit monde, et dit famine dit tiers monde. Et qui dit fatigue dit réveil, encore sourd de la veille. Alors on sort pour oublier tous les problèmes. Alors on danse. Alors on danse. We'll be right back. encore. Et bien encore. Et bien encore. Et bien encore. France Inter. L'économie à présent, avec donc les suites de ce lundi noir sur les places financières. Cette nuit, la Banque du Japon a annoncé l'injection de quelque 10 milliards d'euros dans le marché monétaire japonais. Il s'agit bien évidemment de faire face aux conséquences de la faillite hier de la banque d'affaires américaine Lehman Brothers. Une faillite qui a entraîné toutes les bourses de la planète dans la chute. Moins 5% ce matin en ouverture à Tokyo, idem à Shanghai. À Paris hier soir, le CAC 40 a plongé de 3,7%. Moins 3,9% à Londres et moins 4,4% hier soir en clôture à Wall Street. Du jamais vu depuis le 11 septembre 2001. Lundi 15 septembre 2008, en l'espace de quelques heures, partout à travers le monde, la panique s'empare des salles de marché. À Wall Street, le New York Stock Exchange, plus grande plateforme d'échange des valeurs financières de la planète, plonge. Les yeux rivés sur leurs écrans, les oreilles scotchées à leur smartphone, les traders, tels des équilibristes, marchent sur un fil. Voilà un an, de toute façon, que le système bancaire mondial vit au ralenti. Depuis l'effondrement du marché des subprimes, le secteur des prêts hypothécaires à risque aux États-Unis. Désormais, avec la faillite de la banque d'investissement Lehman Brothers et la mise sous tutelle du plus grand assureur mondial, le groupe américain AIG, le système économique de la planète a les genoux à terre. Et très vite, la contagion se propage au continent européen. Des banques britanniques se retrouvent en cessation de paiement. Des fonds d'investissement espagnols sont tout bonnement ruinés. En France, les victimes aussi sont très nombreuses. Parmi elles, le groupe BNP Paribas, la banque d'affaires Natixis ou encore la Société Générale. Sur France Inter, le député Michel Sapin fait part de son inquiétude. Le plus grave n'est pas ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Il y a une forme de purge très brutale qui va laisser des traces considérables dans le domaine financier. Il y a des gens qui vont y perdre beaucoup d'argent, pas forcément ceux qui avaient gagné beaucoup d'argent avant. Mais le plus grave est encore devant nous, c'est-à-dire les conséquences de tout cela pour monsieur et madame tout le monde, pour celui qui travaille et qui risque d'être au chômage, pour tous les acteurs économiques, les entrepreneurs de toute nature qui voient se tarir le crédit, donc qui voient se tarir la capacité à investir, à prendre des décisions. Donc c'est le ralentissement économique considérable devant nous qui est certainement la conséquence la plus grave de la situation d'aujourd'hui. Au même moment, en coulisses, dans les cuisines du 85 Broad Street à New York, au siège de la banque d'affaires américaine Goldman Sachs, on fait les comptes. Certes, la banque enregistre en cette année 2008 des pertes sur les marchés. Mais une chose est sûre, les Goldman Boys ont évité le pire. Et ce, en grande partie, grâce à Fabrice Tour et à Bacchus. Voilà plus d'un an que Goldman Sachs a senti venir le vent de la crise et qu'elle a décidé de se débarrasser au détriment de ses propres clients de tous ses actifs à base de dérivés de crédit issus des subprimes. C'est son département des prêts hypothécaires, dirigé par Daniel Sparks, qui lui offre la solution. Et aux manettes de cette opération, on retrouve Fabrice Tour, le trader français. Nom de code choisi, Abacus donc, qui signifie « bâton commandement » en latin. Dans les grandes lignes, Tour récupère les emprunts les plus risqués, les plus pourris présents dans les caisses de Goldman. Il les rassemble pour composer un nouveau produit de titrisation complexe, une sorte de véhicule financier prêt à être vendu sur les marchés qui sera baptisé justement Abacus. Par un miracle de la technofinance ou un coup du sort qui ne dit pas son nom, Goldman obtient d'une entreprise d'audit extérieur un triple A, autrement dit une note excellente pour son produit miracle. Ensuite, eh bien, sans aucun scrupule, Goldman vend Abacus tout au long de l'année 2007 à ses propres clients des banques, des groupes industriels, des fonds de placement. Persuadés qu'ils réalisent là une bonne affaire, ces derniers se précipitent et achètent en pariant sur la hausse du titre. Dans le même temps, Goldman, qui sait pertinemment qu'Abacus ne vaut rien et que le marché des subprimes va s'effondrer, va au contraire spéculer sur la baisse du titre en bourse contre l'intérêt, rappelons-le, de ses propres clients. Des semaines passent, assis à son bureau du 85 Broad Street, Fabrice Tour pianote sur son ordinateur. Sur les différents écrans à sa disposition, le jeune trader lit et relit les diagrammes de prévision et jour après jour, le titre Abacus s'affiche en baisse. Ce n'est qu'une question de temps avant sa chute. Le jeune trader va-t-il alors prévenir ses clients du risque qu'ils encourent? Vous l'avez compris, la réponse est non. Et à sa petite amie qui lui demande par courriel des explications sur son travail, Fabrice Tour explique même avec détail ce qu'il est en train de faire. En gros, je trade un produit qui valait 100 dollars il y a un mois et qui n'en vaut plus que 93 aujourd'hui. On est sur une perte moyenne de 25 cents par jour. Présenté comme ça, ça n'a pas l'air énorme. Mais quand tu penses qu'on achète et qu'on vend ce truc sur des montants de plusieurs milliards, ça commence à faire beaucoup de sous. Toujours par mail, au début de l'année 2007, Fabrice Tour affirme que dans les prochains mois, l'édifice entier risque de s'effondrer et que le seul survivant, ce sera lui, Fab, le fabuleux. Ou encore que le business des subprimes est complètement mort et que les pauvres petits emprunteurs ne vont pas faire de vieux os. Et quand sa petite amie lui demande justement ce qu'il ressent, le trader lui répond ceci. De toute façon, je ne me sens pas coupable de tout ça. Le véritable objectif de mon travail, c'est de rendre les marchés de capitaux plus efficaces. Moi, je fournis aux consommateurs américains des moyens plus efficaces pour avoir accès au crédit et se financer. Donc, quelque part, il existe une justification humble, noble et éthique à mon travail. C'est étonnant, comme je m'en convainc moi-même. Résultat des comptes, la crise venue, les acquéreurs d'Abacus, pour l'essentiel des investisseurs institutionnels, perdront 99% de leur mise. Au total, on estime que les pertes avoisinent les 750 millions de dollars. Dans le même temps, et sans aucun scrupule non plus, les banquiers de Goldman Sachs encaissent des bénéfices sur les transactions en tant qu'intermédiaires. Puis, en tant que joueur, la banque encaisse le résultat de ses paris. Bref, elle décroche le jackpot, plus $1,5 milliard. De leur côté, Fabrice Tour, Jonathan Hagel et Daniel Sparks encaissent un chèque de bonus dont le chiffre comporte plus de 6 zéros. Je vous laisse calculer. Cupidité, secret, goût du risque. Avec Abacus, Goldman Sachs a brisé tout au long de l'année 2007 la relation de confiance qu'il a liée depuis des décennies à ses clients. Et comme si cela ne suffisait pas, elle va jouer de son influence pour sortir, figurez-vous, renforcée, oui, renforcée de la crise de l'automne 2008. Goldman Sachs. Our clients' interests always come first. Septembre 2008, on l'a vu, la crise éclate et les marchés boursiers s'effondrent. La banque d'affaires américaine Lehman Brothers, principale concurrente de Goldman Sachs, est au bord du gouffre. Elle demande de l'aide au gouvernement américain pour éviter sa mise en faillite. Et là, surprise, à la Maison Blanche, George Bush et son secrétaire d'État au Trésor, Henry Paulson, disent non. Non, nous ne sauverons pas Lehman Brothers. La banque doit assumer les risques qu'elle a pris sur les marchés. Dans la foulée, Henry Paulson se précipite à New York, où il a rendez-vous avec le PDG de Goldman Sachs, Lloyd Blankfein. Au 85 Broad Street, l'accueil réservé au secrétaire au Trésor est plus que chaleureux. Et pour cause, Henry Paulson n'est autre que l'ancien directeur de Goldman Sachs. Le voilà de retour dans ses anciens bureaux. Et la réunion à laquelle il participe ce jour-là, en présence des principaux partenaires de la banque d'affaires, a tout du complot sans la théorie. Non, là nous sommes dans la pratique. Les discussions portent sur l'aide que peut apporter Paulson pour préserver les intérêts de Goldman. Lloyd Blankfein lui explique qu'en fait, Goldman s'est vacciné contre le risque des subprimes. Toutefois, Blankfein affirme que la banque fait face à un autre danger. En effet, si l'assureur américain AIG venait à couler dans la tempête, Goldman perdrait plus de 10 milliards de dollars. Autrement dit, le PDG de Goldman demande au secrétaire au Trésor des États-Unis de sauver AIG et d'obliger l'assureur à le rembourser. Eh bien, c'est chose faite quelques jours plus tard. L'État américain déverse plusieurs centaines de milliards de dollars pour son plan de sauvetage. L'administration Bush nationalise AIG. En contrepartie, l'assureur s'engage à rembourser Goldman avec l'argent du contribuable américain, un comble. Lors d'une allocution télévisée, George Bush justifie auprès du grand public cette opération de renflouement. Le risque systémique était très important et nécessitait une réponse à cette hauteur. Le Congrès le comprend, nous travaillons pour que quelque chose soit fait aussi vite et aussi massivement que possible. Un problème massif, réponse massive. Je continue à dire à nos concitoyens que le risque de ne rien faire est bien plus important que le risque que constitue cette somme. L'argent reviendra, mais là, maintenant, le gouvernement se devait d'envoyer un signal disant que nous comprenions que l'instabilité pouvait devenir dévastatrice et à terme affecter les travailleurs, les familles, nous laisserons passer cette. Et une nouvelle fois, Goldman tire son épingle du jeu. En 2008, en plein cœur de la crise, la banque d'affaires réalise plus $1,5 milliard de bénéfices. Et surtout, grâce à l'aide d'Henry Paulson, Goldman se débarrasse de son principal concurrent sur le marché, Lehman Brothers. En ce début d'année 2009, au 85 Broad Street, au siège de la firme, le PDG de Goldman Sachs, Lloyd Blankfein, devait se frotter les mains. Le tout-puissant patron de la banque d'affaires devait penser que les jeux étaient faits. Il devait croire que l'affaire était bouclée, entendue, terminée, que ces hommes, les Goldman Boys, venaient de gagner et d'écraser la concurrence. I'm running for president because I want to tell them, yes, we can. Mais c'était sans compter sur l'entrée d'un nouvel acteur dans la partie, un certain Barack Obama. Dès son élection à la présidence des États-Unis en novembre 2008, le candidat du Parti démocrate avait en effet annoncé la couleur. Les banques que l'État a renflouées devront s'expliquer sur leurs pertes et toute la lumière devra être faite sur les raisons de telle crise du système, à bon entendeur. Dans les semaines qui suivent, la SEC, le gendarme de la bourse aux États-Unis, lance une enquête d'envergure. Et c'est sur le cas Goldman que se concentrent ses agents. Très vite, les sombres mécanismes mis en place par la banque d'affaires apparaissent au grand jour. Fabrice Tour, Daniel Sparks, Jonathan Eagle et leurs produits Abacus deviennent les symboles des dérives de la banque. L'affaire se politise et surtout elle se médiatise lorsque Rolling Stone Magazine publie une enquête de plusieurs pages. Dans ses colonnes, le journaliste Mark Taibbi y livre des informations édifiantes sur les procédés et les façons de faire de la banque depuis des décennies. Interrogé sur France Inter, Olivier Berruyer, spécialiste des assurances et des marchés, partage cet avis, critique les dérives du secteur bancaire. La finance n'a jamais été folle. La finance est malheureusement totalement rationnelle. Donc elle essaye de maximiser ses revenus, y compris en faisant preuve d'une absence totale d'éthique. Mais il n'y a aucune folie là-dedans. Dans ce système-là, le problème, c'est que le système n'est géré qu'à court terme et que des décisions qui rapportent beaucoup d'argent à court terme peuvent entraîner la faillite à long terme. Lors de leur grande audition face aux sénateurs le 27 avril 2010, les cadres de Goldman, Fabrice Tour, Daniel Sparks, Jonathan Eagle et John Birnbaum ne peuvent nier l'évidence, les preuves sont accablantes. À cela s'ajoutent les échanges de courriels entre le trader français et sa petite amie qui en disent long sur les intentions et le cynisme du trader français. Pour échapper au scandale et aux poursuites, Goldman Sachs accepte de payer une amende de $400 millions. Un chiffre record, mais qui ne représente que 2 semaines de ses bénéfices à l'année, autrement dit, pas grand-chose. À l'été 2013, Fabrice Tour est la seule personne à passer au tribunal. Une nouvelle fois, il plaide non coupable et il est condamné à une simple amende, $825 000. Une somme importante, mais là aussi bien dérisoire au vu des bonus qu'il a accumulés durant la crise. Barack Obama, qui avait voulu réformer et réguler le monde de la finance, n'a pas pu aller jusqu'au bout, entravé par les membres du Parti républicain et par les lobbyistes de Wall Street. Quant au PDG de Goldman Sachs, Lloyd Blankfein, il est toujours en poste. Pensez donc, sa banque roule sur l'or, il ne risque rien au pays où la première des valeurs est la valeur boursière. Élu homme de l'année par le magazine Time en 2009, il est l'un des patrons de banques les mieux rémunérés du monde, Dr. Goldman et Mr. Sachs. In the same way as I did, missing out the cracks in the pavement and tutting my heel and strutting my feet. Is there anything I can do for you, dear? Is there anyone I could call? No one, thank you, please, madame. I ain't low. wondering. From my hometown, making memories, I pray. Affaires sensibles, Fabrice Drouel. Aujourd'hui, Dr Goldman et Mr Sachs, notre invité Pascal Grégoire. Bonjour. Bonjour. Pascal Grégoire, vous n'êtes ni journaliste, ni romancier. Je vais finir par dire ce que vous êtes quand même. Vous êtes publicitaire. Voilà, vous avez été directeur de la création dans de nombreuses agences avant de fonder la vôtre qui s'appelle La Chose. Et vous venez d'écrire votre premier roman qui s'appelle Goldman Sachs. Ça veut dire Goldman pompe, en fait. Pompe, oui, l'argent, c'est ça. Il y a le double sens, ça veut dire ça pue, mais c'est surtout le sens aussi. Premier. Ça pue aussi, de toute façon, vu ce qu'on vient d'entendre. Mais ça pompe, effectivement, c'est une banque qui a pomper beaucoup de richesses dans le monde. On l'a vu. On l'a vu. Premier roman, je le rappelle, dans lequel le personnage principal, Corentin Pontchartin, perd tout entre la crise des subprimes qu'il prend de plein fouet au ministère des Finances à Paris où il travaille, et sa crise personnelle, sa crise des 40 ans. Enfin, les hommes arrêtent de faire des crises à 40 ans, c'est le plus bel âge de la vie pour un homme. Enfin bon, il voit son monde s'écrouler suite à la crise boursière américaine. Il décide alors de s'attaquer à la toute puissante banque américaine Goldman Sachs qui a causé sa perte. Une histoire de vengeance, en fait. Du pot de terre contre le pot de fer. Nous sommes donc en pleine fiction, mais évidemment, on se dit qu'on n'est pas loin de la réalité. D'ailleurs, c'est une fiction qui s'inscrit dans une réalité qu'on a bien connue. Pourquoi avoir choisi le biais de la fiction pour raconter cette histoire qui s'inscrit, comme on vient de le voir, dans le réel? D'abord, c'est un sujet qui, à l'époque, m'avait beaucoup intéressé. Je pense que c'était un sujet, une crise absolument gigantesque qui a failli être la crise de 29 bis. Et donc, je me suis immergé, je fais un petit voyage dans la finance et je me suis aperçu que c'était d'une complexité inouïe pour comprendre comment ça fonctionnait. Mmh. Comment on pouvait, comme ça, en très peu de temps, vendre des produits, les subprimes, qui sont des dérivés, des produits, en fait, vous dites dans le reportage avant, c'est vraiment de la merde. C'est des produits toxiques. C'est des produits toxiques, voilà, exactement. Et je me suis dit que c'est quand même un sujet extrêmement important. Pour moi, il est du même ordre que le réchauffement climatique en termes de menaces. Mmh. Et donc, je me suis dit, comme j'avais envie d'écrire à ce moment-là, faire mon premier roman, effectivement, je me suis dit, c'est un sujet très intéressant, parce que d'un côté, l'impact de la crise, c'est sur des gens, des vrais gens. D'ailleurs, je parle de faits divers qui sont vraiment arrivés en France à l'époque. Une petite fille qui est arrêtée à la cantine, un grand-père qui fait un hold-up, une grand-mère qu'on ramène de sa maison de retraite comme ça, qu'on pose comme un sac devant la maison. Et là, je me suis dit, mais dans quel monde on vit, en fait? Et je me suis dit, je vais tenter d'écrire un roman social, on va dire, qui permet, par le biais du roman, permet de raconter des histoires. Et dans ces histoires, on va se balader, on va voyager dans ce monde pas merveilleux de la finance. Mais par contre, on va écrire une histoire merveilleuse d'une jeune famille qui va partir à l'assaut de cette banque terrible qu'est Goldman Sachs, parce que c'est quand même, elle est toujours là, ça continue. Et donc, je voulais que ce sujet soit un peu en haut de la pile, qu'on en parle un peu plus. Et d'ailleurs, je vous remercie de me recevoir, parce que ça me permet effectivement de faire parler de ce sujet. C'est un sujet très important. Vous vous êtes documenté, j'imagine. Il a fallu que vous alliez décoder tout ça quand même, parce que c'est effectivement extrêmement compliqué. C'est très technique. Nous, les journalistes, quand on n'est pas spécialiste d'économie, on en comprend le minimum vital, quand même, on en parlait, mais pas plus que le minimum vital, parfois. Oui. C'est très compliqué. Qu'est-ce que vous avez fait? Je vous rassure, 80% des gens de Wall Street ne comprennent pas comment ça marche non plus. Donc, c'est très compliqué. D'ailleurs, c'est fait exprès. Oui, c'est fait exprès. C'est une façon d'éviter les prises de conscience. C'est une façon de s'appuyer sur un fait qui est, dès qu'on parle de ça, les gens, effectivement, ferment les écoutilles et se disent, voilà, c'est trop compliqué pour moi. La vérité, c'est qu'il faut s'y intéresser. Parce que ce jour-là, énormément de choses en termes de vie réelle pour les gens. L'impact d'une crise, l'impact du comportement de Goldman Sachs, c'est des millions d'Américains qui se sont retrouvés dans leur voiture, qui ont perdu leur maison, c'est les Grecs qu'on a vus en difficulté, mais c'est aussi en France, on a vécu cette crise, on est passé pas loin d'un incendie général très très grave. Donc voilà, c'est... Moi, j'y vois en tout cas dans le parcours de dire du héros du roman, parce que dans un roman il y a un héros, une métaphore, voire une illustration de tout ce qu'on peut voir aujourd'hui, les effets de la crise, combinés avec une économie mondialisée, une sphère financière qui détient un pouvoir terrible, un pouvoir de lobbying sur les institutions, voire européennes, voire État par État. Tout ça, ça crée du malaise social. On a cru d'ailleurs que ça avait créé une situation presque insurrectionnelle en France. Donc ça, l'insurrection, c'est « je me cabre ». Et maintenant, je lui dis « ça suffit, c'est fini, et je veux me venger ». C'est ça un petit peu l'insurrection. À travers votre personnage, on voit ça. Enfin, moi, j'y ai vu ça. Il est porteur de tout ça. Il y a une dimension comme celle-là. Mmh. C'est-à-dire, moi, mon héros... lui, il est haut fonctionnaire à Bercy. Et il découvre dans sa vie de tous les jours que ses banques prennent en otage finalement l'État. Et donc l'État, bah, c'est nous, c'est le peuple. Et il est écœuré de ça et de voir que des milliards et des milliards partent dans ces banques qui s'enrichissent sur le dos des gens. Et en même temps, dans la vie de tous les jours, lui-même est touché par ça, puisqu'effectivement, il traverse une double crise, une crise personnelle. Il quitte sa femme pour une jeune journaliste, et du coup, c'est lui qui oublie de payer la cantine pour sa fille, etc., etc. Et donc, lui, il est écœuré par cette situation, et il a envie, effectivement, c'est là où j'ai transformé l'histoire pour en faire une vraie fable moderne. C'est ça. Et montrer que, effectivement, moi, j'ai envie qu'on rentre dans le livre, et puis on part avec les personnages à New York, et on a tous envie de les accompagner. Hein, ils créent un mouvement qui s'appelle les Nouveaux Prophètes, ils rejoignent les 99%, Occupy Wall Street, enfin tout ce qu'on a vu à la télévision. Et en fait, c'est cette façon un peu, oui, effectivement, comme une fable, de voyager et d'essayer d'emmener tout le monde dans cette aventure pour essayer de faire tomber l'horrible banque Goldman Sachs. Alors cette crise, évidemment, qu'elle a laissé des traces encore bien visibles. Je suis tombé par hasard ce matin alors sur un article parlant de la délinquance, le nombre d'agressions à l'arme blanche à Londres. Quel est le rapport? Il n'y a pas de rapport, sauf que à la fin, dans l'article, je lis son père le regarde, c'est un témoin qui dit: c'est dingue quand on y pense. En 2008, quand les banques se sont effondrées, on a demandé aux contribuables d'aider à les renflouer, mais quand c'est la jeunesse qui s'effondre, on ne leur demande rien. Alors, monsieur mélange un peu tout. N'empêche que... Ça fait sens. Mais surtout, ça veut dire que 10 ans après, cette crise, elle est là dans les têtes, dans les âmes. Elle est là, d'autant plus que là, il y a un vrai problème, c'est que tous les gens qui sont des grands criminels, on peut utiliser le mot de grands criminels, complètement corrompus, n'ont pas été condamnés du tout. C'est-à-dire qu'ils ont eu, on a vu l'amende tout à l'heure de 825 000 dollars, c'est strictement rien. Il n'y a aucun acteur de cette crise qui a été emprisonné. Donc ça laisse des traces. C'est-à-dire qu'on se dit, ben voilà, les bandits en col blanc, très riches, on les arrête pas. Et nous, on fait une petite infraction et on a une amende. Donc c'est ce décalage-là qui est terrible en fait, et qui aujourd'hui pèse sur la société, pèse sur les gens, et c'est ça qui crée un climat très compliqué. Alors on pourrait se dire, eh bien, puisque la finance mondiale fait ce qu'elle veut n'importe quand, n'importe où, avec des conséquences graves, eh bien il faut l'encadrer. Alors on va écouter une archive ensemble. Il s'agit d'une interview de l'ancien ministre de l'économie, Michel Sapin, à l'époque de la crise de 2008. Il était député et il demandait justement que la finance mondiale soit encadrée. Vous pensez, Michel Sapin, qu'il y a quelques financiers cyniques qui jouent aussi les marchés à la baisse? Ben, la spéculation est là comme caractéristique d'avoir d'abord aucune morale, de ne pas chercher forcément à arranger les choses, et on peut gagner autant d'argent en spéculant à la baisse qu'en spéculant à la hausse. Là aussi, dans ce domaine-là, il y aurait besoin de transparence, de règles et de sanctions. Qu'est-ce que ça vous inspire, ça? C'est un vieux pieu, ça s'appelle un vieux pieu. C'est un peu un vieux pieu, mais c'est vrai qu'il la spéculation, faire de l'argent avec de l'argent, c'est un problème parce que ça peut déstabiliser l'ensemble de l'économie et donc l'ensemble de la société. Donc effectivement, il faut absolument... 2008 a été une alerte incroyable. Et depuis 2008, en fait, très peu de choses ont été faites pour séparer... Alors, il y a des choses qui ont été faites. Hein. On sépare un peu plus les banques de détail des banques d'affaires. Oui, il y a un certain nombre de tentatives. Mais on voit bien que ces tentatives sont un peu freinées et qu'au fond, aujourd'hui, les conditions sont plutôt réunies pour que cela se passe à nouveau. Hein. On a deux fois plus de dettes en 2018, ouais. Je parle des dettes mondiales, que en 2008. Donc, bon. Alors, on va évidemment revenir sur ce qui peut se passer maintenant. Ce sera la deuxième partie de l'interview. On se retrouve dans 3 minutes. So you're still thinking of me, just like I know you should. I cannot give you everything, you know I wish I could. I'm so high at the moment, I'm so caught up in this. Yeah, we're just young, dumb, and broke, but we still got love to give while we're young, dumb. Young, young, dumb and broke. Young, dumb. Young, young, dumb and broke. Young, dumb. Young, young, dumb and broke. Young, dumb, broke high school kid. Voilà, aujourd'hui, nous, dans Affaires Sensibles, nous revenons sur le scandale Goldman Sachs. En résumé, une banque, un établissement financier qui est à l'origine de la crise de 2008 parmi d'autres, hein, mais qui s'en est tiré, qui a tiré même profit de cette crise, genre vive la crise, et vous en avez fait, Pascal Grégoire, un roman. C'est le cadre, en tout cas, de votre roman qui s'appelle Goldman Sachs. Alors, on est aussi au-delà du scandale, et d'ailleurs dans le scandale, c'en est un des ingrédients dans ce qu'on appelle le conflit d'intérêts quand même. Monsieur Mario Draghi, tout puissant président de la Banque Centrale Européenne, si je n'abuse, vient de Goldman Sachs. Et puis on a d'autres illustrations de ce qu'est ce grand conflit d'intérêts, de gens qui tiennent des hauts postes de responsabilité en Europe comme Draghi et d'autres. Et aux États-Unis, c'est quoi? C'est une pieuvre mafieuse? On pourrait considérer ça une sorte de pieuvre mafieuse? C'est ce monde de la finance. Une pieuvre, oui, tentaculaire. Goldman Sachs a placé dans tous les pays du monde des hommes dans les gouvernements, un peu partout. Il y a du pantouflage aussi, hein, Barroso qui a rejoint Goldman Sachs, ça marche dans les deux sens. C'est-à-dire, soit ils placent des gens dans le monde politique, soit ils intègrent des hommes politiques. Oui, donc il y a clairement, mais la collusion, la collusion entre le monde politique et le monde financier n'est pas récente. Ça date même en France, par exemple, de Pompidou qui venait de Rothschild, de la banque Rothschild, et était le premier président à privatiser la dette en fait. Et c'est ce qui a créé les problèmes, parce qu'à partir du moment où vous privatisez votre dette, vous êtes en lien avec les banques et vous avez besoin des banques, puisque il faut rembourser la dette. Mmh. Et donc le début, ça a commencé comme ça, et effectivement, Goldman Sachs a une puissance de lobbying extrêmement forte dans tous les pays, peut faire avec les États ce qu'il fait avec les individus en vendant des mauvais produits avec ses clients, hein, qu'il appelle des andouilles, les Muppets. Mais il l'a fait avec la Grèce, c'est-à-dire comme ça c'est clair. Comme ça c'est clair. Et il l'a fait avec la Grèce, donc c'est exactement ce problème qui existe toujours aujourd'hui d'une forme de corruption quand même entre le monde politique et le monde financier. C'est un vrai sujet global. Il s'agit pas de parler de complot, de théorie. C'est vrai que c'est de la pratique. Ça existe aujourd'hui. Si on l'inventait, on se dirait, on pourrait en faire un scénario incroyable. Mais c'est la réalité de tous les jours. Et ça, il faut vraiment le dénoncer. Mmh. C'est un vrai sujet pour tout le monde. C'est pas juste un sujet pour les financiers, pour les banquiers. Non, c'est un sujet pour tout le monde. Et encore une fois, il ne faut pas confondre les banques qui, elles, font leur travail par rapport à des banques d'investissement qui, elles, ne travaillent que pour elles et pour s'enrichir. C'est ça le problème qu'on a aujourd'hui. Stiglitz, qui est le prix Nobel d'économie, dit en gros, la pauvreté, les dépenses, elles sont partagées par tous et les gains ne sont capturés que par quelques-uns. Donc, il parle d'une économie dénaturée. Et ça, je trouve ça très juste. On est aujourd'hui dans une forme de perversion. On est en train de mettre en danger l'économie et le capitalisme. Donc je ne suis pas contre le capitalisme, par exemple, on m'a souvent dit... Dès lors qu'il est de l'économie réelle. Non mais justement, quand le capitalisme s'inscrit dans ce qu'on appelle l'économie réelle, c'est différent. Les banques doivent faire leur métier, c'est-à-dire aider les entreprises à grandir, prêter de l'argent aux consommateurs. Et il faut revenir en fait aux fondamentaux. Mais voilà, moi je suis un patron de PME, mais il y a d'autres patrons bien plus importants que moi, du CAC 40, par exemple Emmanuel Faber qui dit la même chose que moi, et qui dit il faut revenir aux fondamentaux pour sauver le système. Parce que ce qui est en danger, c'est notre système. Alors, lors de la première diffusion de cette émission, nous avions invité Jérôme Fritel, grand reporter et réalisateur, auteur avec le journaliste du Monde, Marc Roche, d'un documentaire de référence sur cette affaire que vous avez dû voir, intitulé Goldman Sachs, la banque qui dirige le monde. Vous l'avez vu, j'imagine. Je l'ai lu, bien sûr. Aussi. Alors, parmi tous les responsables d'institutions économiques internationales, seul Jean-Claude Trichet, ancien président de la Banque Centrale Européenne, a accepté de lui répondre. On va l'écouter. Il revient sur la réaction de l'opinion face à la crise de 2008. Et juste après, le journaliste Marc Roche l'interpelle sur le cas de Mario Draghi, hein, dont on a parlé tout à l'heure, président actuel de la Banque Centrale Européenne. Je vous mets en garde, rechercher un bouc émissaire conduit à disculper tout le reste du système, mais dans l'ensemble des pays avancés, je note un malaise, un vrai malaise. Alors, un malaise qui est complexe. Je crois qu'il est très difficile pour nos opinions d'admettre que le système financier pouvait être aussi fragile. Alors, en sus de cela, il y a le paradoxe que ce système fragile était en même temps un système dans lequel les gens se rémunéraient beaucoup. Et là, certaines valeurs qui se développent au sein d'un certain nombre d'industries, et de l'industrie financière, ne sont pas acceptables par les gens. Le peuple souverain. Au sujet de Mario Draghi, ses critiques montre du doigt son passage chez Goldman Sachs en disant il y a là des questions qui se posent, des questions éthiques qui se posent. Stop, je réfléchis. Je ne m'attendais pas à cette question. Non, prenez tout votre temps. Oui, mais moi je ne veux pas répondre. Donc vous ne me posez pas la question. D'accord. On est bien d'accord, hein, vous ne me posez pas la question. Voilà, comme ça c'est plus facile. Moi je vais vous poser une question, en revanche, parce que Grégoire, ce sera la dernière. Une crise type 2008 est-elle possible maintenant? Si oui, pourquoi? Alors, elle est évidemment possible, parce qu'encore une fois, le montant des dettes au niveau mondial n'a jamais atteint un tel niveau. La deuxième chose, c'est que les comportements de création de produits dérivés toxiques et dangereux, ça ne s'est pas arrêté. Et en ce moment, aux États-Unis, on parle du début d'une crise des subprimes, mais non pas sur l'emprunt immobilier, hein, mais sur les prêts étudiants, où il y a une bulle qui est en train de se créer et qui pourrait exploser à n'importe quel moment. Alors, Quand est-ce que la crise va arriver? Je ne sais pas, évidemment. Personne ne le sait. Ce qu'on sait, c'est que les conditions sont réunies pour que ça arrive. Et ça peut. Et par contre, elle sera plus grave encore que celle qu'on a vécue en 2008. Voilà. Eh bien, dites-moi. Ce sera le mot de la fin, en tout cas. Ce sera le mot de la fin. Merci infiniment. Pascal Grégoire, Goldman Sachs, ou Cherche-Midi. Au revoir. Merci. C'était Affaire Sensible aujourd'hui, l'affaire Goldman Sachs. C'est une émission que vous pouvez réécouter en podcast sur franceinter.fr. Rendez-vous sur la page Affaire Sensible également du site internet de France Inter pour vos commentaires éventuellement, mais aussi pour toute recherche documentaire concernant notre émission. Merci à Philippe Duclos qui était à la technique aujourd'hui. Puisque nous sommes jeudi, j'en profite pour remercier toute l'équipe qui a préparé les Affaires Sensibles de cette semaine. Rédaction et recherche documentaire, Adrien Mora, Adrien Cara et Guillaume Malandras. Attaché de production, Valérie Priolet. Coordination, Christophe Barrère. Programmation musicale, Muriel Pérez. Réalisation, Jérôme Boulet et Coyenne Guyenne.